Alors, cette bande vidéo, nous l'avons choisie parce qu'elle nous semble, donc je le disais en introduction, représentative de peut-être d'une ouverture idéologique pratiquée par les collectifs vidéo. Alors, en réalité, ce que je voudrais surtout, c'est écouter Paul Roussopoulos pour que tu nous dises un petit peu dans quel contexte cette bande avait été tournée. On reconnaît Georges Lapassade, qui était ton collègue à Tunis. Ton collègue et ami, et par ailleurs aussi quelle a été la réception de cette bande vidéo, notamment par les milieux gauchistes de l'époque. La bande a été tournée dans un séminaire des Scherer, qui étaient les professeurs responsables, et à ce moment-là, Vincennes. Lapassade était un invité, comme moi, comme pas mal d'autres personnes. C'est lui qui nous avait averti. Et on était allés. Et la Carole a filmé pratiquement non-stop. C'était une bande de presque une heure en continu. Et presque n'avait même pas besoin d'être montée. Et maintenant, sur ta question, je dirais qu'en ce qui me concerne, peut-être c'était une expérience différente que celle de Carole. Là, c'était la différence des itinéraires qui jouaient. Moi, à l'époque, je me rappelle, je m'occupais d'une histoire des Basques. Et Carole me téléphone, elle était à Paris, elle devrait faire quelque chose. Et elle me téléphone en me disant, écoute, je n'ai pas le temps, mais si tu peux, est-ce que tu peux aller filmer? Et c'était le 1er mai, filmer le défilé du 1er mai. Il y a à l'intérieur du défilé un groupe d'homosexuels. Est-ce que tu peux aller filmer? Puisque moi, je ne peux pas. En fait, ce n'est pas du tout pour revendiquer quoi que ce soit, mais les premières images du défilé, c'est moi qui ai filmé. Ce n'est pas Carole, elle n'était pas là. Et elle m'avait téléphoné pour me demander d'y aller à sa place. Quand elle m'a téléphoné, j'ai dit très franchement, j'ai dit, c'est quoi cette histoire-là? Aller filmer les homosexuels. Et j'étais un petit peu grec. Il faut le dire, Carole m'a appris beaucoup de choses au fur et à mesure que les temps passaient. Et je suis allé quand même. Et quand je suis allé, c'est vrai, sincèrement, je me suis aperçu que s'il y avait quelque chose de révolutionnaire dans ce défilé, ce n'était pas ni la CGT, ni la CFDT, ni tout ça, mais c'était eux. Et c'était manifeste. Et quand on regarde même les images, c'est une fête, et à la manière qu'ils défilent. Ils rigolent, ils font des méandres. C'est tout à fait différent que ces lourdeaux de ces jetistes, toujours avec les mêmes slogans. Qui du reste, il faut admettre aussi une chose, que, avec une réserve, que ces jetistes, en soi, un par un, c'était des gens très sympas. Mais un groupe organisé, encadré, il devenait ingobable. Et ça, c'est la contradiction des grands rassemblements syndicalistes. Alors donc, finalement, j'ai filmé ça et je suis rentré à la maison complètement converti. Et puis après, je me rappelle que j'ai participé à tous les meetings qu'ils ont faits. De temps en temps, je me rappelle, je termine, c'est anecdotique, je me rappelle une fois, j'avais convoqué deux homosexuels, un homme et une femme, et ils avaient l'air d'un couple. Et j'étais assez naïf, mais je leur demande, vous êtes vraiment homosexuels? Et en fait, ils étaient. Ceci pour dire que c'était une époque qui pour moi était un apprentissage, et c'est tout ce que je peux dire à propos du phare. Après, j'ai eu beaucoup d'amis, et surtout, évidemment, son nom, Georges Lapassade. Et non. Guy, on voit Guy aussi. Il y a Guy il est mort. Il y a Guy aussi. On voit Guy aussi. Journaliste de Libé. Qui est la jeune fille, femme qui parle? Anne-Marie Grélois Fauré. Anne-Marie. Qui venait d'Arcadie. Et qui, au moment de l'apparition du LLF, a rejoint le mouvement des femmes. Mais cette bande, elle a aussi une importance historique, je dirais, par rapport à l'histoire du nom de votre groupe Vidéo Out, parce que Carole, et toi, tu me l'as confirmé, je crois pas me tromper, vous aviez été invité à présenter un certain nombre de bandes que vous aviez tournées précédemment, et vous aviez été invité donc par Pierre Schaeffer du service de la recherche de l'ORTF à venir les présenter parce qu'ils étaient curieux donc de voir cette pratique. Et ce que vous m'aviez dit, c'est qu'à l'époque vous aviez donc constitué des petites affichettes sur lesquelles il y avait écrit vidéo et un certain nombre de titres. Carole m'avait dit trois titres qui étaient des pavés dans la mare, justement, dans la mare politique de l'époque, à savoir le phare, les Black Panthers, et peut-être l'une de vos premières bandes, si ce n'est la première, tournée en Palestine. Ça s'appelait Fait pas chaud. Ah oui, peut-être celle-ci, d'accord. Et il paraît que, donc, tu me diras quelle était votre hypothèse, en tout cas des personnes de l'ORTF, peut-être justement des cégétistes, avaient accolé à côté de vidéos un énorme « out » pour indiquer finalement leur rejet des sujets qui étaient présentés par vos bandes. Absolument, c'est vrai. Alors, raconte-nous peut-être ça. C'était une manière donc de rejeter, mais vous êtes en quelque sorte réapproprié l'injure. Vous avez retourné l'injure à votre de manière positive, puisque out, c'était out le système. Out, c'était était dehors. Oui, on était marginalisé. Mais je peux pas dire grand-chose là-dessus, parce que c'était plutôt on avait pris ça dans la rigolade. Mais le nom est resté. Parce que ça nous permettait quand même, à l'époque, il faut dire aussi que, je ne dirais pas la mode, mais la tradition nouvelle, c'était de ne pas s'afficher comme auteur, mais se dissoudre dans les groupes. En fait, c'était assez drôle parce que les groupes, c'était deux personnes. Alors, quand on se dissolvait, la moitié quand même était présente. Ce qui fait que c'était un peu approximatif tout ça. Donc, à l'époque, donc, c'était une dissolution, donnait des choses assez bizarres, quelquefois. On les voit direct dans les titres. Quelquefois, c'est Video Out, quelquefois, c'est Carole. Hein, ça dépend. Hein, ça dépend qui faisait les titres. Et encore, les titres ont apparu beaucoup plus tard. Au départ, il n'y avait pas de titres. Parce que c'est ce qu'il faut oublier, c'est que dans les débuts de la vidéo, disons dite militante, dite active en quelque sorte, hein, et nous en tout cas, ce qui nous concerne, tous les groupes qui étaient autour des Video Out, parce qu'il n'y avait pas que nous. Et il y avait Hélène Châtelain, qui après a travaillé avec Gadi, et puis il y en avait d'autres que je peux citer, mais... Qui après ont dérivé vers le féminisme, mais qui sont restées toujours des grandes copines, et Nadia Rengard et compagnie. Alors, moralité de l'histoire, c'est que, j'ai perdu le fil de mon discours. La question du collectif aussi, effectivement, qui est très importante. Moi, je trouve que cette citation, ce qu'on a retrouvé donc, dans Vidéo Info, qui est une de nos sources très importantes pour l'histoire de la vidéo des premiers temps, donc en janvier 73, on peut lire « Vidéo Out », un nom comme ça, parce qu'il en faut bien un. « Vidéo Out » n'est pas un groupe de spécialistes ou de professionnels de la vidéo, mais des militants politiques impliqués à égalité avec d'autres gens dans la réalisation de bandes vidéo. Oui, ça c'était... Donc c'est là où je reviens. Justement, là-dessus, donc souvent, on ne signait pas. Hein? Par contre, petit à petit quand même, et plus tard, beaucoup plus tard, on a signé les bandes en fonction de ce que chacun avait fait. Hein, mais au départ, pas tellement. Il y avait une dynamique au départ liée à mai 68. Après, à partir des 75, ceux qui ont continué à faire de la vidéo faisaient de la vidéo militante, mais dans un contexte de défaite. Hein, ça, il ne faut pas oublier. À 75, c'est la défaite. Et c'est là peut-être que la vidéo, en tout cas, de vidéo out, a fonctionné le mieux. C'est-à-dire que dans la défaite, petit à petit, on a glissé vers les anonymes, les gens qui n'avaient pas la parole, les grévistes qui rataient leur grève. On est allé donc dans cette direction, et petit à petit, et on a pris une direction qui carrément prenait ses distances par rapport à la lutte des classes, parce qu'on s'est rendu que de toute manière, en France, et même même les prolétariats glissaient à droite pour une raison très simple, c'est qu'ils se sentaient menacés par les tiers-monde et donc ils se raffermaient un peu sur lui-même. Moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas, et notre groupe aussi. Et elle a vécu comme ça. Et donc, petit à petit, on s'est adressé aux gens, pas ceux qui étaient écrasés par le système, mais ceux qui étant écrasés par le système, ils avaient un potentiel de révolte. Donc, on a filmé que les gens modestes, anonymes, mais qui étaient en phase de ras-le-bol. Et donc, ça a donné une série de films qui sont la meilleure partie, peut-être, de ce qui a fait Video Out. Hein, c'est l'époque où Carole aussi a versé de plus en plus vers le féminisme, où il y a eu les bandes contre les viols, par exemple, à domicile, qui est un très beau film, en fait. Je l'ai dit comme ça, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il est impeccable de force. Ceci pour dire que petit à petit, on est rentré dans la continuité d'autres choses que la situation exceptionnelle de mai 68. Et mai 68, c'était un genre d'explosion de joie. Après, c'est devenu triste. Et pour les rendre encore un peu joyeux, la seule possibilité, c'était de commencer à filmer les gens. C'est-à-dire, c'est là où on a pris conscience que finalement, il y avait des histoires. L'histoire des gens qui sont au ministère et l'histoire fabriquée par les gens de la vie quotidienne et qui peut-être n'ont pas la parole, mais qui finalement, c'est eux. Il y a quelques...